السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc bienvenue à tous. حياكم الله. Qu'Allah soit bienfaisant envers vous. Donc on continue l'explication des paraboles du Coran. Hier nous avons vu deux paraboles qui se trouvent dans sourate al-Hajj. Donc sourate le pèlerinage. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va continuer sur notre lancée avec une parabole qui se trouve dans sourate an-Nur. Donc sourate la lumière. Et cette sourate, donc sourate la lumière, est une sourate mécoise, et ceci à l'unanimité des savants. Les savants, ils sont unanimes pour dire que sourate an-Nur, donc c'est une sourate mécoise. Et concernant le hadith, qui est connu de certaines personnes à propos de cette sourate, qui dit « N'enseignez pas à vos femmes la lecture et l'écriture et enseignez-leur sourate la lumière. » Donc Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, qu'Allah le préserve, il nous dit qu'en vérité, ce n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt que cette parole est la parole de certains pieux prédécesseurs. Donc reste à savoir maintenant quel est le sens de ce afar. Donc quel est le sens de cette parole? Donc Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, qu'Allah le préserve, il nous dit que ce qui est voulu par ce afar est de ne pas s'étendre dans l'enseignement des femmes, mais plutôt, il suffit de leur enseigner les sciences de base, comme le Coran, les hadiths, la lecture et l'écriture, de lui enseigner ce qui lui suffit. Ensuite, il dit, et en ce qui concerne le fait de s'élargir dans la science et de se spécialiser, ceci peut amener à ce que la femme ne respecte pas les droits du mari et ceci causera des problèmes entre les époux. Fin de citation. Donc selon Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, c'est ça qui est voulu par la parole de certains pieux prédécesseurs, mais ce n'est en aucun cas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez entendu. Donc concernant la parole qu'on va étudier ce soir, elle se trouve dans le verset 35, donc de sourate an-Nur. Allah, il dit, « Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la traduction de ce verset, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe placé dans un verre semblable à un astre aussi brillant qu'une perle, dont le combustible provient d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose des paraboles aux hommes. Allah connaît parfaitement toutes choses. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction, Allah est la lumière des cieux et de la terre. L'éminent savant Cheikh Abdurrahman Ibn Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit concernant cette phrase, Allah est lumière en son essence. Le voile qu'il y a entre lui et ses créatures est lumière. Tout ce qui est dans l'univers tire sa lumière de lui, ainsi que son livre, sa loi, la foi et la connaissance dans le cœur du croyant ne sont que lumière. Sans sa lumière, tout ne serait que ténèbres. Fin de citation. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, sa lumière est semblable. Ce qui est voulu ici, c'est sa lumière dans le cœur du croyant. Donc ce qui est voulu ici, c'est sa lumière dans le cœur du croyant, comme l'a mentionné Ubay ibn Ka'b, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que sa lumière dans le cœur du croyant est semblable. Ensuite, il nous dit à une niche où se trouve une lampe placée dans un verre. Donc elle est semblable à une niche. Donc la niche, c'est une embrasure qu'on trouve à l'intérieur d'une maison. Et donc, dans cette niche, se trouve une lampe. Et cette lampe, elle est protégée par un verre. D'accord ? Comme la mèche qui se trouve dans la lampe à huile. D'accord ? Avant, on utilisait, dans certains pays encore, on utilise ce genre de lampe. D'accord ? Donc, dans la lampe, il y a une mèche comme ça, il y a un verre qui vient protéger cette mèche. Ensuite, qu'on allume pour pouvoir donc éclairer. Ensuite, Allah il dit, selon la traduction, semblable à un astre aussi brillant qu'une perle. C'est-à-dire que cette lumière, donc elle est protégée par un verre pur. Donc ce verre, il est pur, net et très brillant. Ensuite, Allah il dit, selon la traduction, dont le combustible provient d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident. C'est-à-dire que le combustible de cette lampe provient d'un olivier. Et cet arbre, il est placé d'une manière stratégique. Il est placé de telle sorte qu'il est toujours atteint par le soleil. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction, qu'il n'est ni d'Orient, ni d'Occident. C'est-à-dire que s'il aurait été du côté de l'Orient, le soleil ne l'aurait pas atteint lorsqu'il se serait trouvé du côté de l'Occident. Et si il aurait été du côté de l'Occident, le soleil ne l'aurait pas atteint lorsqu'il aurait été du côté de l'Orient. Mais plutôt cet arbre, il se trouve dans un endroit médian où il n'y a jamais d'ombre et il y a toujours du soleil. Ensuite, Allah il nous dit selon la traduction dont l'huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche. Subhanallah, c'est-à-dire que son huile est tellement pure et nette qu'elle semble éclairer sans même que le feu ne la touche. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction, lumière sur lumière. Nourun ala nour, lumière sur lumière. C'est-à-dire lumière du feu sur lumière de l'huile. Tout comme le croyant. Lumière sur lumière, tout comme le croyant. Lorsque la science et la foi parviennent au cœur, son cœur est illuminé. Et cette lumière, elle a des répercussions sur ses œuvres. Ses œuvres sont une lumière, car ils sont conformes au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran est en lui-même une lumière. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 52 de Surat Shura, donc Surat la concertation, il dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans la traduction. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans la traduction. Selon la traduction, tout comme nous avons fait révélation au prophète avant toi, nous t'avons révélé par notre ordre le Coran qui amène la vie, alors que tu n'avais auparavant aucune connaissance du livre et de la foi. Nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Tu guides certes vers une voie droite. Donc lumière sur lumière. En plus, et plus la science du serviteur augmente, et plus sa foi va augmenter. Et cette lumière ne cessera d'augmenter. Et plus le serviteur va faire des péchés, et plus sa foi va baisser, et plus cette lumière va diminuer. C'est pour ça que l'imam Shafi'i, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il disait, je me suis plaint de ma mauvaise mémorisation à Waqi'a. Et il m'a conseillé de délaisser les péchés. Et me dit, sache que la science est une lumière et la lumière d'Allah n'est pas donnée aux désobéissants. Et donc cette lumière servira aux serviteurs aussi de traverser le pont le jour du jugement. Au contraire des mécréants qui seront dénués de toute lumière. Et la preuve à cela réside dans le verset 12 de Sourate Le Fer. Allah subhanahu wa ta'ala il dit يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction rapprochée, le jour où sur le pont jeté au-dessus de l'enfer, on verra leur lumière cheminer au devant et à la droite des croyants et des croyantes. On leur dira, recevez aujourd'hui la bonne annonce des jardins sous lesquels coulent des rivières où vous demeurerez éternellement. Telle est la réussite suprême. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront aux croyants, attendez-nous, afin que nous nous éclairions de votre lumière. On leur répondra, revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on enlèvera entre eux, ou plutôt c'est alors qu'on élèvera entre eux une muraille comportant une porte. La face intérieure de la muraille du côté des croyants sera le lieu de la miséricorde. Vers le paradis, quant à la face extérieure du côté des hypocrites, elle sera le lieu du châtiment vers l'enfer. Et aussi le jour de la résurrection, la lumière de leurs bonnes actions se verra sur leur corps. Abu Huraira rapporte, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, au jour de la résurrection, les membres de ma communauté viendront le visage et les extrémités des membres et des jambes d'une blancheur éclatante, ou plutôt et les extrémités des bras et des jambes d'une blancheur éclatante en raison des ablutions. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Cheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans l'explication de ce hadith, et lorsque cette communauté viendra le jour du jugement, il y aura sur ses membres, donc c'est-à-dire ceux qui ont été mentionnés dans le hadith, une lumière d'un blanc éclatant, et on les différenciera des autres communautés. Fin de citation. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette parabole, il dit « Yahdi Allahu li nurihi man yasha » Allah guide qui il veut vers sa lumière. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala oriente celui qu'il choisit vers sa guidée. Ensuite, il dit « Wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas wallahu bi kulli shay'in 'alim » Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction, Allah propose des paraboles aux hommes, Allah connaît parfaitement toutes choses. C'est-à-dire il est le plus savant concernant celui qui mérite la guidée de celui qui mérite l'égarement. Donc après avoir fait l'explication de cette parabole, nous allons passer donc à ces enseignements. Donc le premier enseignement qu'on peut tirer de cette parabole, c'est l'importance de la science et de sa mise en pratique. Car plus la personne apprend et met en pratique sa science, et plus sa lumière augmentera et plus elle sera bénéfique pour lui dans l'au-delà. Ensuite, le deuxième enseignement, c'est l'impact des péchés sur le cœur. Car plus la personne va faire des péchés et plus il perdra de sa lumière, comme l'a mentionné l'éminent savant Cheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et le troisième enseignement qu'on tire de cette parabole, c'est l'un des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en effet, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les dénombrer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 18 de sourate An-Nahl, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha inna Allah laghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha, c'est-à-dire on ne peut pas dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces bienfaits, il y a la guidée. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'es guidé à l'islam. Et ceci est le plus grand des bienfaits. Regarde le nombre de personnes qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde le nombre de personnes qui lui donnent des associés, qui disent par exemple que Jésus alayhi salam, Isa alayhi salam est le fils d'Allah, ou bien qu'il est Allah, ou bien qu'il est le troisième des trois, malgré leur grand nombre. Allah t'a choisi pour faire partie de la meilleure des communautés. Et il t'a choisi pour suivre le meilleur des prophètes. Par Allah, ceci est le plus grand des bienfaits. Il t'a choisi parmi ceux qui le verront dans l'au-delà. Quel meilleur bienfait ? Quel meilleur bienfait veux-tu après cela ? Ya Abdallah, ô serviteur d'Allah. Mais cet immense bienfait demande de la reconnaissance. Sois donc reconnaissant envers ton Seigneur pour ce bienfait. Voue-lui un culte sincère. Voue-lui un culte sincère. Ne lui associe rien. Conforme-toi à la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que ça soit dans tes paroles, dans tes actions et aussi dans ta croyance. Suis, mais n'innove pas. Adore Allah et ne lui associe rien. Réforme, mais ne détruis pas. Et si tu fais cela, alors réjouis-toi, car ta destination finale sera le paradis, Incha'Allah ta'ala. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à mettre notre science en pratique. Donc avec ça, on a fini l'explication de cette parabole. Donc Incha'Allah ta'ala,